façon à se faire piler les coups ce soir. Sans trop passer pour des cons, sans s'attirer d'histoires. Car nous les histoires, ben on les aime qu'en chanson. On les écrit, puis les crie, sans modération. Dans la rue, chez les potes, avec du cœur et les fausses notes. Pour vous ici ce soir, à l'accordéon, à la guitare. Oui, mais ces chansons, ça nous fera bien plaisir. Si elles vous font un peu rire, faudra pas vous gêner. Si vous voulez les chanter, y taper dans vos mains. Quand arrivera le refrain, le ridicule ne tue pas. La preuve, on est encore là. Peut-être des filles jolies, belles et intelligentes, et puis riches aussi. Après le concert, eh ben nous dragons, et toute notre vie, elles nous entretiendront. Car nous pour bosser, on n'est pas les premiers, on préfère rêver, comme on le fait dans ce couplet. Oui, mais ces belles filles, ça nous fera bien plaisir. Si on les fait un peu rire, faudra pas les gêner. Si elles se mettent à chanter, à taper dans leurs mains, quand arrivera le refrain, pour le mariage on verra, un sourire sera déjà ça. Bien sûr des reprises et une chanson d'amour. Déjà des valses, des blanches, des triolées, des rondes et des croches, même si on ne sait pas ce que c'est. Sur les rimes, les refrains, on fera pas les radins. Et si au milieu de l'histoire, on a un trou de mémoire, eh ben nous ferons la la la la la la la la la la la.